les venir combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Il descend, voix douce, il me dit je t'aime. Viens décharger sur moi ta peine. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la même. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il est mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il a mis l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promis la joie à tous les méprisés. Il était la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, refait le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, oh, oh. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, Jésus, Jésus, rocher de mon salut, rocher de mon salut. Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Dans tous les cœurs brisés, et promis la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, refait le décor. Jésus, le confort de tous les rejetés, la gloire de racheter. Je vis de nouveau, et rien n'est si beau, même au comble du désespoir. Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer. ton âme.